Laisse-moi croire en demain. Laisse-moi croire que ça va changer. Laisse-moi croire en être humain. Laisse-moi croire que je peux voler, décoller, m'envoler. Quand le cœur trop lourd, le ciel pleure, les yeux pleins d'orage, que les tornades et les tempêtes se défient, la pluie tombe pendant des heures et au-delà du phare. S'évanouissent comme des vagues, s'éteignent sur des plages de tourments ou prennent le large sans mon consentement. T'imagines pas comme je suis torturé, tiraillé entre deux mois d'émotions saturées. Dans un monde où même l'amour se fait facturer, j'ai dû plâtrer ma confiance, j'ai le cœur fracturé. Mais laisse-moi croire en demain, laisse-moi être fou et laisse-moi croire en être humain. Laisse-moi m'évader, transporté par la voix de Kaina. Laisse-moi croire que je peux m'envoler. C'est la saison des pluies, le ciel se déchire en envol. Tous les jours se suivent et sont emportés par les ans. Mais faut se dire que l'horizon nous tend ses bras. Le soleil se lève toujours pour les pauvres. Y'a de l'espoir dans ma poésie. Tu crois que c'est du rap de faible, t'es crazy. Chaque lettre est trempée dans un souvenir sanglant. Mec, je pleure des larmes de sang. Ma musique pleure des larmes de son. Tragique car elle chante ce que les armes font. Les hommes font d'elle ce que les armes sont. Et si mes rimes sont belles, c'est que mon âme fond. Sous la chaleur de nos excès, on laisse échapper nos chances en prétextant qu'on essaie. On prend pas le temps de donner du temps à ce qu'on prétend pourtant aimer tant. Mais laisse-moi croire que ça va changer. Laisse-moi croire qu'aimer ne rime pas avec danger. Laisse-moi m'envoler, transporté par la voix de Kaina. Laisse-moi croire que je peux voler. Oh, c'est la saison des pluies, le ciel se déchire en envol. Tous les jours se suivent et sont emportés par les ans. Mais faut se dire que l'horizon nous tend ses bras. La rue a fait de moi qu'elle est qui sous mes lampes.